Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Et nous terminerons cette émission avec la présentation de quelques livres et quelques revues portant sur la science. Alors Valérie, tu veux commencer par un livre sur l'intelligence artificielle et la robotique. Oui, c'est un sujet, disons, à la mode en ce moment et les éditions Urtubiz ont ajouté ce thème à leur collection qui s'appelle « Quelque chose en 30 secondes ». Donc il y a une cinquantaine de titres, par exemple « La chimie en 30 secondes », »,« Newton en 30 secondes », »,« L'évolution en 30 secondes » et bien d'autres. Et la collection aborde des sujets non scientifiques comme par exemple l'opéra, la Bilbanoda, Shakespeare en 30 secondes et bien d'autres encore. Alors comme le titre de la collection le suggère, ce n'est pas avec ces livres qu'on va approfondir un sujet, mais ils donnent des clés pour survoler un sujet avec une vision quand même assez panoramique. Donc, comment ça se présente pour ce livre sur l'intelligence artificielle et la robotique? Alors, on commence par un petit historique des robots de la science-fiction. En outre, on apprend que le mot « robot » vient du tchèque « robota », qui veut dire « travail forcé », et que le mot a été inventé par un auteur, l'auteur d'une pièce de théâtre. Donc, cet auteur s'appelle Karel Dapek. C'est une pièce de théâtre écrite en 1921. Donc, c'est peut-être un des rares « robot » et peut-être un des rares mots de la langue française à venir du tchèque. C'est quand même assez curieux. Et les robots sont entrés dans l'imaginaire collectif depuis près d'un siècle, donc, puisque c'est en 1921. Et ils ont pris différentes formes. Alors, on peut penser robots et ordinateurs entre guillemets intelligents. On peut penser à HAL dans l'Odyssée de l'espace, là, qui prend le contrôle un petit peu de la machine. On peut penser au Terminator. On peut penser aussi, pour ceux qui ont lu Isaac Asimov, les trois lois de la robotique aussi. Donc, elles sont quand même un prémisse de ce que peuvent devenir les relations entre robots et êtres humains. Mais les robots sont aussi devenus réalité et l'intelligence artificielle aussi. Oui, exact. Alors le livre, après cette introduction, le livre présente les concepts d'algorithmes, d'apprentissage profond, de systèmes experts, avec des applications dans les domaines de la finance, de la chirurgie, de l'exploration spatiale, des divertissements. Donc par exemple, quand vous recevez des recommandations de visionnement ou d'écoute, ou même des publicités sur Internet, il y a derrière des algorithmes d'apprentissage qui apprennent à détecter vos goûts d'après les sites que vous visitez sur Internet. Et le livre aborde aussi les robots domestiques, les robots de compagnie, les véhicules autonomes, les prothèses, l'industrie 4.0, l'Internet des objets, donc, et plein d'autres sujets qui gravitent autour des robots et de l'intelligence artificielle. Et chaque sujet est survolé, mais l'ensemble donne une vision quand même panoramique de la question. Et on en arrive même aux cyborgs, donc ces êtres mi-humains, mi-robots, ou des humains améliorés, et toute la question du transhumanisme à laquelle il faut réfléchir. Et justement, cette réflexion sur le transhumanisme t'amène à parler d'un dossier qui s'intitule « Regard critique sur la science » paru dans la revue Relations du mois de février. Oui, et c'est assez opportun parce qu'il faut effectivement avoir un regard critique sur l'usage de l'intelligence artificielle, les glissades éventuelles vers le transhumanisme, mais aussi l'usage des biotechnologies. Donc, le dossier se compose de 9 articles qui sont écrits en majeure partie par des chercheurs. Il y a par exemple un mathématicien, un chercheur en écologie végétale, donc tous deux sont des chercheurs de la France. Il y a plus près de chez nous une professeure en philosophie de l'Université Laval, une professeure en sociologie de l'Université du Québec. Il y a aussi des écrivains à travers le dossier. Et ces textes font le constat d'une emprise de la science sur notre vision du monde et sur notre société. Donc, par exemple, Jean-Claude Revet, qui est le rédacteur en chef de la revue Relations, écrit que la science conduit à une vision réductionniste de l'être humain, comme si l'être humain n'était plus qu'un ensemble de processus physico-chimiques qui expliquent et dictent nos comportements. Dans un autre texte, Elisabeth Abergel, qui est professeur en sociologie à l'UQAM, met en garde contre le scientisme selon lequel le progrès scientifique va apporter un monde meilleur. Mais pourtant, on a déjà vu des dérives scientifiques dans le passé avec la bombe nucléaire. Oui, et aussi avec le nazisme, qui est une expansion, qui est une extension de l'eugénisme, qui était en vogue au début du XXe siècle. Donc effectivement, on a vu des dérives. Et donc Marie-Hélène Parizeau, qui est professeure de philosophie à l'Université Laval, en parle dans son article. Elle rappelle que Francis Galton, le cousin de Darwin, considérait que la sélection naturelle pouvait s'appliquer à l'espèce humaine pour l'améliorer. D'ailleurs, notre chroniqueur Cyril Barrette nous en a déjà parlé. Oui, tout à fait. Et cela a donné lieu à diverses politiques de stérilisation des personnes pauvres, des alcooliques, des criminels, comme si tout cela était génétique. Et en Europe et aux États-Unis, par exemple, dans les années 1930, il y a eu 20 000 personnes qui ont été stérilisées aux États-Unis. Ça, c'était avant le nazisme. Le nazisme n'est pas sorti de rien. Et aujourd'hui, donc, Marie-Hélène Parizeau voit se profiler un eugénisme libéral, donc une idée qui a déjà été exprimée par Jürgen Habermas et qu'elle reprend donc dans son article. Donc, il s'agirait d'une forme d'eugénisme induit par le contexte social, la consommation, le marché de la santé, où chacun deviendrait responsable de sa santé génétique, mais aussi de la santé de sa descendance. Il y aurait une pression sociale et aussi certaines politiques de remboursement ou de dépistage qui pousserait à utiliser des tests génétiques pour avoir l'enfant parfait et voir améliorer sa descendance. Et on peut penser à cette annonce, en écho à cette vision là de l'eugénisme libéral, on peut penser à cette annonce de la naissance en Chine de deux petites filles dont le génome aurait été modifié par CRISPR. Donc il y a quand même des questions à se poser. Tout à fait. Donc c'est bien d'avoir un regard critique sur ces technologies. Absolument. Et là, tu emploies le bon mot, les technologies. Et c'est là où le bât blesse un petit peu dans ce dossier, parce qu'il entretient un peu une confusion entre la science et les technologies qui sont des applications de la science. Tout à fait. Parce que la science en elle-même, elle n'est pas bonne ou mauvaise. Uh-huh. La science, c'est l'acquisition des connaissances. C'est ça. D'ailleurs, Elisabeth Habergel, dans son article, l'écrit, la science a pour objet de comprendre les phénomènes naturels à partir de leurs éléments concrets, en suivant un raisonnement structuré par des règles imposées. Donc, et cette, donc fin de la citation, et cette compréhension des phénomènes naturels en soi n'a aucun rapport avec le bien et le mal. La matière est constituée d'atomes, eux-mêmes constitués de protons, de neutrons, d'électrons, point. C'est comme ça. Et ce n'est ni bien ni mal. Exactement. C'est ni bien ni mal que les électrons tournent ou pas autour de... c'est comme c'est ça. Maintenant, l'usage de ces connaissances pour construire et utiliser une bombe atomique, c'est autre chose. Mais aussi dramatique qu'a été les bombes d'Hiroshima ou de Nagasaki, cela ne remet pas en question les connaissances sur l'atome lui-même. Oui, tout à fait. Donc, il y a la science et l'usage de la science. C'est vraiment deux choses distinctes. Voilà, et c'est sur l'usage de la science qu'il faut avoir un regard critique. Oui, tout à fait. Et cet usage de la science peut mener à des idéologies, peut devenir l'objet d'intérêts commerciaux. Il en est d'ailleurs aussi question dans le dossier. Donc là, c'est un article de l'écrivain et philosophe Jean-Claude Saint-Onge qui revient sur les manœuvres des fabricants de tabac pour instiller le doute, décrédibiliser la science pour mieux continuer à vendre des cigarettes. On voit la même chose avec Monsanto et le glyphosate qui étaient, d'après les premières publicités, soi-disant non biodégradables. Bon, faut se questionner sur tous ces dérapages. Mais le problème, c'est qu'en entretenant le flou entre l'usage et entre la science et l'usage de la science. Et ce flou est entretenu même avec les titres, à travers les titres des articles. Quand on dit, il y a un article qui s'appelle « Les rouages de la malscience », coller directement mal à science, il y a quelque chose qui... La science n'est pas mal ou bonne, la science est la science et c'est son usage Exactement. Qui est mauvais. Exactement. Ou par exemple, on peut lire « La science promet un monde meilleur », la science en elle-même ne promet rien. C'est l'usage qu'on va en faire qui éventuellement va nous amener vers un monde meilleur ou vers des dérives. Donc, il y a certains vocabulaires dans ces articles qui entretiennent ce flou. Et en entretenant ce flou, on risque de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et donc, je termine en rappelant que c'est justement le rôle de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie d'évaluer les usages de la science. Mais ce n'est sans doute pas suffisant. Il faut y ajouter une volonté politique. Et d'ailleurs, Jean-Claude Ravel le dit bien en conclusion de son article. Donc, je cite, « Dans ce changement de cap, l'éthique comme la politique ont un rôle important à jouer pour s'affranchir du paradigme de l'ingénierie du vivant et de la tutelle des pouvoirs financiers qui risquent sinon de dicter la marche à suivre à la société. Tout à fait. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a un regard critique à avoir sur tout cela, mais c'est sur l'usage de la science et non sur la science elle-même. Effectivement. Donc, un dossier à lire dans la revue Relations du mois de février. Merci beaucoup, Valérie.